الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Je voudrais aborder un point avec vous concernant certaines bienséances relatives aux échanges et discussions de manière générale et aux conversations téléphoniques de manière plus particulière. En essayant de faire cela de manière résumée, faisant mention de certains textes à ce sujet, l'imam Abu Daoud a recueilli dans ses Sunan un hadith dans lequel il est relaté qu'un homme de la tribu de Banu Amir demanda l'autorisation de s'introduire auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouvait dans une demeure. Cet homme me dit, est-ce que j'entre ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à son servant, sors vers cet homme et montre-lui la manière de demander l'autorisation et dis-lui de dire Assalamu alaykum, est-ce que j'entre ? L'homme l'entendit, alayhi salat wa salam, et dit alors Assalamu alaykum, est-ce que j'entre ? Et le prophète alayhi salat wa salam lui donna l'autorisation et c'est alors qu'il s'introduit auprès de lui et qu'il entra. Radiallahu an. Ce hadith, la transmission a été qualifié d'authentique par le Shaykh Al-Albani, notamment dans Sahih Sunani Abi Daoud, de même que dans Silsilat Al-Ahadith Al-Sahiha. Cela, de manière générale, donc, concerne la manière de se présenter chez quelqu'un et de demander l'autorisation d'entrer. Et cela concerne également la manière de se comporter au début d'une conversation téléphonique. Nous avons cité le Cheikh Al-Albani, il est rapporté que le Cheikh Al-Albani a un jour téléphoné à une de ses connaissances et c'est la fille de cet homme qu'il avait appelé qui a décroché. Et elle a dit « Assalamu alaikum wa rahmatullah ». Le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a alors demandé, après la personne qu'il avait appelée, à savoir donc le père de cette petite fille, et cette dernière l'a informé du fait qu'il n'était pas présent, et le Cheikh a dit, dis-lui lorsqu'il rentre, que Mohammed Nasiruddin Al-Albani l'a appelé. Dès qu'il a su cela, il a donc rappelé le Cheikh, et ils ont échangé, et le cheikh lui a dit, voilà, tout à l'heure j'ai appelé, et il y a une petite fille qui m'a répondu, et qui m'a dit, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Est-ce que c'est une initiative personnelle de sa part, ou est-ce que c'est basé sur autre chose, et si c'est le cas, donc, sur quel élément? L'homme lui a dit, c'est une initiative de sa part. Et c'est la première fois que j'entends qu'elle fait cela, car je lui ai appris que c'est à celui qui appelle de dire « Assalamu alaykum » et non pas à la personne qui reçoit l'appel. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a enseigné donc dans le hadith qu'on a mentionné précédemment. Et le Cheikh Al-Albani lui a dit effectivement, donc c'est ce que l'on connaît, du fait que celui qui appelle est similaire à celui qui toque à la porte. C'est un point donc qu'on doit retenir. Parce que quelqu'un appelle, c'est à lui de passer le salam. Dire « Assalamu alaikum ». Et ce n'est pas à celui qui décroche. Celui qui décroche, ce qu'il doit dire, c'est « Na'am ». Et Celui qui appelle dit assalamu alaykum. Ensuite, celui qui décroche lui répond alaykum assalam. Et c'est là un autre point. Parfois, tu te rends compte que tu appelles, tu fais ton devoir, tu dis assalamu alaykum, et la réponse, la personne te répond assalamu alaykum. Premièrement, ce n'est pas la réponse correcte. Et deuxièmement, ça laisserait entendre que tu as failli à ton devoir, alors que, au contraire, tu as bien dit assalamu alaykum. Et la réponse, comme vous le savez, c'est wa alaykum assalam. C'est un premier point. Un second point concernant les discussions de manière générale, mais aussi les conversations téléphoniques ou par le biais de ces différents nouveaux moyens de communication. C'est qu'il est impératif d'être attentif à ce que dit l'interlocuteur. C'est là un point très important. Le fait d'être attentif, d'écouter attentivement ce que la personne dit, de ne pas être préoccupé par autre chose. Si, à titre d'exemple, au téléphone, lorsque la personne t'appelle, tu es occupé, tu n'es pas dans l'obligation de répondre, si tu es occupé. Soit tu répondras plus tard si la personne te rappelle, soit toi-même tu rappelles. Mais si tu décroches, tu as le devoir d'être attentif à ce que la personne dit. De même que dans une discussion, entre guillemets, réelle, lorsque tu rencontres quelqu'un, lorsque tu es assis avec quelqu'un, tu te dois d'être attentif à ce que la personne, dit. Il a rapporté d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qu'il a dit, celui qui prend part à une assise avec moi, a trois droits sur moi. Que je l'accueille à bras ouverts, que je lui fasse de la place s'il veut s'asseoir, et que j'écoute attentivement ce qu'il dit. Et des propos similaires ont été rapportés de Saïd ibn al-As, al-Hassan, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, lorsque tu t'assis avec quelqu'un, fais en sorte de plus écouter que parler. Apprends à bien écouter. De la même façon que tu apprends à bien t'exprimer pour te faire comprendre, apprends également à bien écouter, pour bien assimiler ce que la personne en face de toi dit. Et ne coupe la parole à personne. Ce sont des principes, des bienséances rudimentaires, élémentaires, mais malheureusement, qui sont négligés, qui malheureusement sont négligés. Il est également un troisième point qui en réalité est étroitement lié à ce second, et qui est de ne pas négliger et de ne pas prendre à la légère ce que la personne est en train de dire. Et de ne pas laisser apparaître le fait que, à titre d'exemple, tu sais déjà ce qu'elle va dire, que tu as connaissance de ce dont elle est en train de parler. L'imam Ibn Hibban a fait mention dans son livre Rawdatul Uqala d'un récit rapporté par Mu'adh Ibn Sa'd Al-A'war qui rapporte qu'il était un jour en compagnie de Atta Ibn Abi Rabah et qu'un homme était en train de parler. Et dans l'assemblée, il y avait un homme qui a pris la parole et qui a coupé cette parole, cette personne qui était en train de parler, en faisant comprendre qu'elle connaissait déjà le sujet dont cet individu était en train de parler. Atta ibn Abi Rabah s'est mis en colère. Il a dit, qu'est-ce donc que ces manières de se comporter? Wallah, il m'arrive d'entendre quelqu'un parler, d'être en train de dire une chose que je sais mieux que lui. Et malgré tout, je fais comme si c'était la première fois que je l'entendais. Alaykoum assalam wa rahmatullah. C'est comme si c'était la première fois que je l'entendais. Tout ça pour ne pas en arriver à dénigrer la personne, ou à la rabaisser d'une manière indirecte. Ce n'est pas une manière d'agir. Ce n'est pas une manière d'agir. Malheureusement, on peut déplorer ce genre de comportement à de nombreuses reprises. Et ces différents nouveaux moyens de communication ne vont pas pour arranger les choses. Bien qu'à la base, ce sont des moyens de communication. Et comme certains cheikhs le disent, au final, c'est bien souvent l'effet inverse qui se produit. Allahu al-musta'an.